بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. On fait donc aujourd'hui une deuxième exhortation, inshallah, à propos des délices et des bienfaits du paradis, en lisant et en traduisant un sermon du vendredi d'Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, sermon qui est tiré du livre Ad-Diya Al-Lami' min Al-Khutab Al-Jawami' du Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Donc c'est un livre d'environ 900 pages dans lesquelles ont été retranscrits par écrit beaucoup de sermons de Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Al-Khutbatu Al-Thalitha fi Na'im Al-Jannah, la troisième khutba à propos des délices et des bienfaits du paradis. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ونوع لهم الأعمال الصالحة ليتخذوا منها إلى تلك الجنات سبلا وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكملها بدوام نعيمها فأهلها خالدون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا والحمد لله الذي أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ولم يترك عباده هملا غير مأمورين ولا منهيين فقامت الحجة وانتفت الشبهة وبانت الطريق لمن أراد سلوكها غير أنه بحكمته زين لهم هذه الدار فكانت فتنة افتتن بها قوم فغفلوا عما أريد بهم ونسوا دار القرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر السماوات والأرض وجامع الناس ليوم الميعاد والعرض ليجزيهم بما عملوا من خير وشر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه بعثه الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وفرض على العباد طاعته والقيام بحقوقه وسد جميع الطرق إلى الجنة فلم يفتحها لأحد إلا من طريقه فبلغ رسالة ربه ونصح لعباده حتى لحق بالرفيق الأعلى وترك أمته على المحجة البيضاء فسلكها الراغبون في جنات النعيم وعدل بها المخذولون إلى طريق الجحيم فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange est à Allah, celui qui a mis les jardins du Firdaus comme résidence pour ses serviteurs croyants, et celui qui a diversifié pour eux les actes vertueux pour qu'ils puissent emprunter par ceux-ci vers ces jardins des chemins. Et celui qui a fixé le rendez-vous pour y entrer dans ses jardins le jour de sa rencontre, et qui a fixé pour la vie éphémère et périssable qui précède cela une durée bien précise, et qui a placé dans ses jardins ce que nul œil n'a jamais vu, ni oreille n'a entendu, ni cœur humain n'a pu s'imaginer, et qui a placé dans ses jardins ce que nul œil n'a jamais vu, et nulle oreille n'a jamais entendu, et nul cœur humain n'a pu s'imaginer. Et il a parachevé ses jardins par l'éternité de ses bienfaits et ses délices. Ces gens, les gens du paradis, vivent donc dans celui-ci éternellement, pour toujours. Il ne désire aucun changement. Et la louange est à Allah, celui qui a envoyé ses messagers, annonciateurs de la bonne nouvelle et avertisseurs du châtiment et de la punition. Il n'a donc pas laissé ses serviteurs à l'abandon, sans aucun ordre ni interdiction. L'argument s'est donc établi. Le doute et l'ambiguïté ont donc disparu. Et le droit chemin s'est éclairci pour celui qui veut l'emprunter. Cependant, par sa sagesse, il leur a embelli cette vie d'ici-bas. Elle est donc une épreuve, un examen, une tentation. Tombe dans cette fitna, dans cette épreuve et cette tentation, et échoue à cet examen des gens, ils tombent alors dans l'inattention et l'insouciance pour ce pourquoi ils ont été créés, et ils oublient la dernière demeure, la demeure éternelle. Et j'atteste que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, seul, sans aucun associé, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui rassemblera les jours, celui qui rassemblera les gens, le jour du rendez-vous et le jour de la présentation, le jour où les serviteurs seront présentés à leur Seigneur avec leurs actes, pour qu'il les rétribue selon ce qu'ils œuvraient en bien et en mal. Le Shir cite un verset 30, Surat Ali Imran. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Et la fin du verset, Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager et son fidèle confident pour sa révélation et la meilleure de ses créatures. Allah l'a envoyé vers la foi, appelleur et interpelleur. Il appelle, il interpelle vers la foi à la foi. Et vers la demeure de la paix, appelleur. Et pour le bien, ordonneur du bien. Et condamneur du mal. Et il a rendu obligatoire à ses serviteurs de lui obéir, d'obéir à ce messager, sallallahu alayhi wa sallam, et de lui donner ses droits envers eux. Et il a bloqué tous les chemins au paradis en ne les ouvrant pour personne, si ce n'est par sa voie et par son chemin, la voie et le chemin de ce messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc transmis le message de son Seigneur. Il a conseillé sincèrement ses serviteurs, les serviteurs d'Allah, jusqu'à ce qu'il ait rejoint le plus haut degré des gens vertueux dans l'au-delà. et il a délaissé et il a laissé sa communauté sur la voie droite, claire et évidente. L'ont donc emprunté ceux qui désirent les jardins du délice, les jardins des délices et des bienfaits de l'au-delà, et se sont détournés de cette voie, ceux qui ont été abandonnés à leur passion, à leur péché. Ils se sont détournés de ce chemin pour emprunter le chemin de la fournaise, qui mène à la fournaise. Qu'Allah, que les prières donc d'Allah et que sa paix soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivent de bonne manière jusqu'au jour de la rétribution. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون سارعوا إلى جنة لا يفنى نعيمها ولا يبيد وليس في نعيمها انقطاع ولا تنغيص ولا تنكيد ساكنوها أفضل عباد الله الرسل والأنبياء والأولياء والأصفياء والصالحون والشهداء إخوانا على سرر متقابلين قد نزع الله ما في صدورهم من الغل فكانت صفاء وطهر الله ألسنتهم من السوء فقالت صوابا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما يتحدثون بينهم فيما جرى عليهم في الدنيا وما من الله به عليهم من الهدى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Ceci dit, ô vous les gens, craignez Allah Ta'ala. Ensuite le shir cite le verset de Sourate Ali Imran 133 à 135. Ô vous les gens, craignez Allah Ta'ala et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, ceux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Et ceux qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Empressez-vous vers un paradis dont les délices et les bienfaits ne se terminent pas ni ne prennent fin. Et il n'y a pas dans ces délices et ces bienfaits de coupure, ni de déception, ni de difficultés et malheurs. Ses habitants sont les meilleurs des serviteurs d'Allah, les messagers, les prophètes, les rapprochés, les élus, les pieux et vertueux, les martyrs, tous des frères faisant face les uns aux autres sur des lits. Allah a arraché de leur poitrine toute rancune. Allah a arraché de leur poitrine toute rancune. La rancune est le souvenir hostile et tenace avec un désir de vengeance. La rancune est le souvenir hostile et tenace avec un désir de vengeance. Allah a arraché de leur poitrine toute rancune. Leur poitrine, leur cœur sont donc purs et propres. Et Allah a purifié leur langue de toute mauvaise parole. Leur langue ne disent donc que le juste et la vérité. Ensuite, le Cheikh Rahimallah cite le verset de Surat Al-Waqi'ah 25-26. Ils n'y entendront, dans le paradis, ni futilité ni blasphème. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos salam, salam. Ils discutent entre eux et s'informent les uns les autres de ce qui leur était arrivé dans leur vie d'ici-bas et de ce que Allah leur avait accordé comme guidé. Le Shir cite comme verset. Les versets 25 à 28 de Sourate At-Tur. Et ils se tourneront les uns vers les autres, s'interrogeant. Ils diront : nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Puis Allah nous a favorisés et protégés du châtiment du Samoum, le supplice du souffle de l'enfer. Antérieurement, auparavant, nous l'invoquions. C'est lui, certes, le charitable, le très miséricordieux. Lahum fiha azwajun mutahharatun min kulli aibin wa danas, khayyaratul akhlaq, hisanul wujuh, qasiratul tarf, maqsuratun fil khiyam, ka'annahunna al-yaqut wal-marjan. أنشأهن الله إنشاء كاملا بديعا فجعلهن أبكارا دائما عربا يتحببن إلى أزواجهن بتحسين الظاهر والباطن أترابا على سن واحدة هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم لهم فيها فواكه كثيرة منها يأكلون قطوفها دانية يتناولها من اشتهاها بكل سهولة قائما وقاعدا وعلى كل حال لا مقطوعة ولا ممنوعة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى يطوف عليهم ولدان مخلدون منعمون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا مقدرة ما يشتهيه الشارب بحيث لا تزيد على مقدار ما يشتهيه فيبقى منه فضلة ولا تنقص عما يريده فيحتاج إلى تكملة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ويتجلى لهم فينظرون إليه فلا يجدون نعيما أكمل من النظر إلى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أيها المسلمون، إن هذه الدار مضمونة لكل من آمن بالله واستقام على أمره، سامعا مطيعا راغبا فيما عند الله، زاهدا فيما يبعده عن الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. Ils ont dans ces jardins des épouses purifiées de tout défaut et de toute saleté et impureté, au bon comportement, au magnifique visage, au regard chaste, cloîtrées dans les tentes. Elles sont aussi belles que le rubis et le corail. Allah les a créées à la perfection et les a donc mis vierges tout le temps. Comme il est venu dans un hadith, à chaque fois que l'homme a un rapport avec son épouse au paradis, elle redevient après cela vierge. Il les a donc mis vierges tout le temps et gracieuses. Elles se font aimer et désirer auprès de leur mari en améliorant leur côté apparent comme leur côté intérieur. Tous du même âge. Le shir, rahimahullah, cite le verset de Sourate Yassine, de numéro 5, 56 à 58. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Le verset précédent est: les gens du paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les remplit de bonheur. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages, accoudés sur les divans. Là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. Salam, parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. Ils ont dans ces jardins beaucoup de fruits. Ils en mangent. Ces fruits sont à la portée de main. Ces fruits sont à portée de main. En prend et en cueille celui qui les désire, avec toute simplicité, qu'il soit debout, assis ou dans n'importe quelle position. Ces fruits sont ni interrompus ni défendus. Ensuite, le verset de Sourate Al-Baqarah 25. À chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Or, c'est quelque chose de semblable seulement dans la forme. Et ils auront là leur nourriture matin et soir. Et il y a dans ces jardins... Ensuite, il y a le verset de Sourate Muhammad, verset 15. Et il y aura dans ces jardins des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Le début de ce verset est: Voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et la suite du verset: Et il y a là pour eux des fruits de toutes sortes, ainsi qu'un pardon de la part de leur Seigneur. Ceux-là seront-ils pareils à ceux qui s'éternisent dans le feu et qui sont abreuvés d'une eau bouillante qui leur déchire les entrailles? Parmi eux, les gens du paradis, circuleront des garçons éternellement jeunes, comblés de bienfaits. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Ils circuleront parmi eux avec des coupes, des cruches et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement. Avec des récipients d'argent et des coupes cristallines. Donc au cristal d'argent dont le contenu a été savamment dosé, c'est-à-dire dosé exactement selon ce que désire celui qui veut boire, de manière à ce qu'elle ne soit pas supérieure à la quantité qu'il désire boire. Alors lorsqu'il boit, il en reste dans sa coupe, dans son verre, et de même, elle ne soit pas d'une quantité inférieure à ce qu'il veut boire, de manière à ce qu'il, lorsqu'il est bu, il en veuille encore. Et il y a dans ces jardins tout ce que désirent les âmes et un délice pour les yeux. Et il y a dans ces jardins tout ce que désirent les âmes et un délice pour les yeux. Ensuite, le Cheikh rahimahullah cite le verset 17, surat as-sajda. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Allah Azza wa Jal leur accorde sa satisfaction et son agrément. Il ne sera alors jamais en colère contre eux. Et il se montre à eux. Alors il regarde vers lui, il le regarde et il ne trouve aucun bienfait plus grand que de regarder Allah Azza wa Jal. Le Shir cite les versets 22-23 de Surat Al-Qiyamah. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Lorsque les gens du paradis entreront au paradis, quelqu'un appellera et dira: Il vous a été donné le fait que vous soyez en bonne santé et vous ne tombiez jamais malade. Et il vous a été donné le fait que vous viviez et vous ne mouriez jamais. Et il vous a été donné le fait que vous soyez jeune et vous ne vieillissiez jamais. Et il vous a été donné le fait que vous viviez dans les délices et les bienfaits et vous ne connaissiez jamais le malheur et la difficulté. Ô vous les musulmans, cette demeure, le paradis, est certes garantie pour quiconque qui croit en Allah et se tient droit sur ses ordres, en écoutant, en obéissant, en désirant ce qu'il y a auprès d'Allah comme délice et comme miséricorde et comme récompense, et en s'abstenant de tout ce qui éloigne d'Allah. Le Shir cite versets 30 à 32 de la sourate Fussilat. Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin. Les anges descendent sur eux, c'est-à-dire au moment de leur mort. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. Ne soyez pas attristés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. فبؤسا لقوم آثروا الدنيا عليها فباعوا عيشا لا يفنى ولا يزول بعيش زائل مملوء بالتنكيد إن أضحك قليلا أبكى كثيرا وإن سر يوما أحزن شهورا آماله آلام وحقائقه أحلام وأوله مخاوف وآخره متالف بؤسا لقوم نعموا في الدنيا كأنما خلقوا لها وسلكوا في تحصيلها كل طريق من حلال أو حرام كأنما خلدوا لها وهم يعلمون ما فيها من الهموم والأحزان ومن تقلبات الأحوال وتغيرات الأزمان بؤسا لقوم نسوا الآخرة وأهملوها وتركوا أوامر الله وأضاعوها بؤسا لقوم نسوا الآخرة وأحملوها وتركوا أوامر الله وأضاعوها غدا يقال لهم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل الجنات وأن تباعدنا عن النار دار الهلكات وأن تتوفانا على الإيمان والتوحيد وتعيذنا من الكفر والشرك والتنديد إنك جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين Malheur donc à des gens qui ont préféré cette vie d'ici-bas à la vie de l'au-delà. Au paradis dans l'au-delà. Ils ont donc vendu une vie qui ne s'achève pas et qui ne se termine pas pour une vie qui s'achève et qui a une fin et qui est remplie de difficultés et de malheurs. Si elle te fait rire un peu, elle te fait pleurer beaucoup. Si elle te rend joyeux un jour, elle te rend triste des mois. Ses espoirs sont des douleurs, ses réalités sont des rêves, son début sont des choses effrayantes et sa fin sont des choses destructrices. Malheur à des gens qui vivent dans le plaisir et prospèrent dans cette vie d'ici-bas comme s'ils avaient été créés pour celle-ci et qu'ils empruntent pour l'obtenir tout chemin possible. Halal ou haram, comme s'ils avaient été mis dans cette vie éternellement, alors qu'ils savent très bien ce qu'il y a dans cette vie comme souci, comme tristesse, comme renversement de situation, comme changement d'époque. Malheur à des gens qui ont oublié l'au-delà, et l'ont négligé, et ont délaissé les ordres d'Allah, et les ont abandonnés. Demain, il leur sera dit, le verset 14 sur la Tassajda. Malheur à des gens qui ont oublié l'au-delà et l'ont négligé et ont délaissé les ordres d'Allah et les ont abandonnés. Demain, il leur sera dit, goûtez donc pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi, nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Goûtez donc pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi, nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. Ô Allah, on te demande de nous mettre parmi les gens des jardins du paradis et de nous éloigner de l'enfer la demeure de la perdition et de nous faire mourir sur la foi et le tawhid et de nous protéger de la mécréance et du shirk de l'association à Allah et du polythéisme. Tu es certes bon et généreux, et qu'Allah prie sur notre prophète Mohammed et le salue, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi.